Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté divers secteurs de la province du Pyongan du Nord. Dans le complexe mécanique de Ragun, la fabrique chimique de Ponghwa et la fabrique de cosmétiques de Sunizu, il s'est renseigné sur la production et les équipements techniques avant d'encourager les efforts des ouvriers pour l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale. Il s'est rendu aussi à la ferme coopérative de Sinam de l'arrondissement de Ryongchun et à la ferme coopérative de Ryongbuk de l'arrondissement de Yeomju pour s'enquérir de l'agriculture et de l'adoption de la culture organique à la paludine et inviter à soulever la campagne de l'agriculture scientifique. Il a convoqué des réunions consultatives sur place et pris des mesures pour accroître la production et agrandir le taux d'usage des terres cultivables.